Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Ma ba'du fa aujourd'hui le 7 du mois de Safar de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous entamons la cinquième assise et dernière assise de notre série d'assises ouvertes. Ces assises qui visent à nous renforcer les uns les autres sur ce manhaj, cette méthodologie, la voie de nos pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. L'assise d'aujourd'hui, je la diviserai en deux parties. La première concernant le sujet que j'avais déjà évoqué la semaine passée concernant les demandes d'argent, les cagnottes et toutes ces manières dont les gens ont de réunir de l'argent de nos jours. Un conseil et une parole critique sur certaines de ces voies empruntées pour réunir de l'argent par certaines personnes. Et la deuxième partie, qui sera comme une conclusion à notre série d'assises, par laquelle je terminerai donc cette série, qui contiendra donc un conseil, encore une fois, le conseil de se cramponner à la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ensemble. Nous qui sommes les gens de la sunna et du groupe Ahlus Sunnati wal Jama'a. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais juste reprendre cette règle que j'ai évoquée tout à l'heure pendant le cours donc de Usul Sunna, qui est cette règle que j'avais déjà évoquée par le passé, la inkara fi masaili al-khilaf. Donc, pas de réprobation dans les sujets à la divergence. J'ai dit que ceci était une règle fausse, erronée, mais que la règle véridique est la inkara fi masaili al-ijtihad. Il n'y a pas de réprobation dans les affaires sujettes à l'effort d'interprétation. Par le passé, j'avais rappelé une règle qui venait compléter cette règle-là, qui est connue chez les gens de la sunna, chez les savants, comme étant l'ijtihad ma'a an-nass. Il n'y a pas d'effort d'interprétation lorsqu'il y a un texte. À la lumière de cette règle-là, nous comprenons la précédente. Et certaines personnes qui appellent, soi-disant, à être justes, vous l'avez sûrement entendu à de maintes reprises, des personnes qui appellent à être justes, et comme je l'ai dit dans le cours précédent, qui disent que il ne convient pas, lorsque tu parles d'une affaire religieuse, de ne ramener que la vie que tu suis, mais plutôt tu te dois impérativement de ramener d'autres avis ou tous les avis. Ceci même si ces avis sont caduques. Certains avis peuvent être plus forts que d'autres et certains avis peuvent être faux ou caduques. Comme on l'a dit, des divergences, il y en a sur de nombreuses facettes, sur de nombreux sujets, pardon, de notre religion. Les gens de l'innovation ont divergé avec les gens de la sunna concernant les fondements de la sunna, les fondements de la croyance des gens de la sunna. Est-ce que nous dirons donc qu'il faut rappeler leurs paroles lorsqu'on étudie les fondements des gens de la sunna? Ceci est obligatoire? Non. Il t'est obligatoire à toi, lorsque tu appelles à la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de rappeler la vérité, al-haq. Et tu pourras à certains moments évoquer des avis qui contredisent cet avis, qui est l'avis le plus juste ou l'avis de vérité. Soit à des moments précis lorsque tu feras une étude approfondie du sujet, soit pour réfuter les gens du faux. Comme nous l'avons fait à l'étude ou lors de l'étude de ce livre, donc les fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Et nous voyons que Cheikh Rabi', qui est lui, celui qui a expliqué ce livre-là ici, dans cette explication ou ce commentaire que j'ai fait de cette explication, Cheikh lui-même, Hafidahullah, à de maintes reprises rappelle les paroles de l'Khawarij, de l'Mu'tazila, de l'Jahmiya et autres, parmi les groupes égarés, lorsqu'il traita de ses fondements, lorsqu'il expliqua ses fondements, ceci afin de les réfuter. Mais le fait de dire que tu te dois de rappeler toutes ces paroles, comme ceci, tu es quelqu'un de juste, tu n'es pas quelqu'un qui oriente la décision de la personne qui est en face de toi, ceci est une parole de fausseté, sans aucun doute. Faites attention à ce genre de paroles. Et donc, cette règle fausse qu'ils utilisent en disant il n'y a pas de réprobation à faire dans les affaires sujettes à la divergence. Ceci est une parole qui est fausse, car beaucoup de divergences, comme vous pouvez le voir. Et si à ce moment-là, nous ne réprouvons pas les gens de l'innovation lorsqu'ils ont divergé avec les gens de la sunna dans les fondements de la sunna, nous ne les réprouvons pas. Ceci, comme nous l'avons vu précédemment, n'est pas la voie de nos pieux prédécesseurs. Plutôt, il n'y a pas de réprobation à faire dans des sujets qui sont, ou dans des affaires qui sont sujettes à interprétation, à effort d'interprétation, à l'ijtihad. Et comme nous l'avons vu, l'ijtihad ma'a an-nass, il n'y a pas d'ijtihad à faire, pas d'effort d'interprétation, lorsqu'il y a un texte clair. Allah Azza wa Jal a dit, son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à partir de là, une personne ne va pas faire d'effort d'interprétation sur telle et telle chose. Et bien sûr, l'effort d'interprétation, je l'avais expliqué dans d'autres cours, à d'autres occasions, peut avoir lieu lorsqu'il y a un texte pour expliquer ce texte-là. Et nous voyons que certains parmi les savants, et bien souvent dans la science de la jurisprudence, pourront utiliser la même preuve pour donner deux avis complètement opposés. Ceci est une autre affaire. Ceci ne rentre pas dans cette règle-là que je souhaitais expliquer ici, comme dans le cours précédent des fondements de la sunna. Reprenons donc ce sujet que je voulais traiter rapidement avec vous lors de cette assise, qui est un sujet. Donc ce sujet que vous connaissez très bien, car c'est une chose qui est répandue en particulier de nos jours. Et c'est une chose qui est répandue et qui est pratiquée par beaucoup de gens de certaines manières. Et ce que je veux détailler ici, c'est une manière outrancière qu'ont certaines personnes de pratiquer cette chose, c'est-à-dire réunir de l'argent à des fins, bien souvent, comme ils le mettent en avant, à des fins religieuses, comme on pourrait le dire entre guillemets. J'aimerais ouvrir ce sujet avec la parole de Cheikh Mohamed Bazmoul Hafidahullah, une parole que j'avais traduite par le passé, il y a quelques années, où il dit, j'étais avec Abu Uthman Al-Anjari, Mohamed Al-Anjari du Koweït, Hafidahullah. Et il m'a dit, donc Cheikh Mohamed Bazmoul rapporte que Cheikh Mohamed Al-Anjari lui a dit, il faudrait que nous ancrions dans les cœurs des jeunes qu'il leur incombe de travailler et de chercher à acquérir leur subsistance. Car certes, le travail et l'acquisition de la subsistance concrétisent chez le jeune son indépendance et renforcent sa personnalité. Cela oriente même ses centres d'intérêt. Puis Cheikh Mohamed Bazmoul de dire, Hafidallah, et il me donna comme exemple les compagnons du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient tous un travail et une source de revenus. Et seulement une petite partie d'entre eux étaient pauvres et attendaient qu'on leur donne l'aumône. Puis, Cheikh nous dit, et Cheikh Mohamed Al-Anjari me dit ensuite, il ne convient pas que nous laissions les jeunes dans l'étude de la science religieuse. Donc ici, on parle d'un sujet précis à Yul Ikhwa. Et c'est pour cela que ce sujet-là, je voulais l'évoquer avec le cours de la semaine passée lorsque je parlais de la prédication et de l'étude de la science et des personnes qui s'avancent dans la prédication parmi les étudiants en sciences. Ici, on parle d'un sujet précis qui touche les personnes qui étudient la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car bien souvent, nous trouvons que ces cagnottes, ces demandes d'argent à des fins religieuses sont faites soit pour des étudiants en religion, donc comme ceci est mis en avant, une cagnotte pour aider un étudiant, une récolte pour aider un étudiant, ou pour construire un centre religieux, une école, donner pour un enseignant. Parfois, certaines font même une récolte pour un cheikh. Donc ici, je parle de une chose précise concernant ces récoltes. Avant de continuer la parole de Shir Al-Anjari ici, je dirais que bien sûr, récolter de l'argent afin d'aider la communauté, que ce soit des individus ou la communauté de manière générale, c'est-à-dire des individus parmi des étudiants en sciences, des personnes pauvres, touchées par des calamités, ou alors la communauté en construisant des écoles, des orphelinats et autres, ceci est une bonne chose. Ici, je parle d'une chose précise à Yuel Irwa que vous connaissez tous. Je le rappelle, mais vous savez très bien de quoi je parle. C'est cette chose qui s'est répandue ces dernières années. Le grand nombre de cagnottes. Et je ne parle pas de la cagnotte en soi, c'est-à-dire que même si on fait cette chose-là par l'intermédiaire d'autres moyens que ce qu'ils appellent, je crois, cotise-up ou cagnotte, etc., cela revient au même. Mais ces cagnottes où tous les 4 matins, on se retrouve à avoir une cagnotte, quelqu'un qui nous envoie une cagnotte pour récolter de l'argent pour un centre qui est supervisé par un chir, qui est supervisé par un tel et un tel, qui une cagnotte pour des étudiants en sciences, un qui se trouve là-bas, un autre qui se trouve ici, un étudiant en sciences qui est dans le besoin, un étudiant en sciences dont sa femme a besoin d'une opération, et autres, et autres, et autres, et ceci de manière outrancière. Cette chose qui n'était pas connue par le passé, il y a de cela même quelques années. Aider ses frères et aider la communauté à plus haut niveau est quelque chose de louable. À l'époque, ce qui était connu, c'est que les gens qui connaissaient une personne, parmi les étudiants en sciences, parmi les gens qui méritent d'être aidés, qui méritent de recevoir même zakat el-mal, la zakat obligatoire, de même que des projets religieux comme un orphelinat ou comme une école, un centre ici, ce dont je parle ici, à l'époque, le mot se faisait passer, comme on dit, de bouche à oreille, par des messages, les gens réunissaient de l'argent, etc. Ceci est un moyen, donc ces cotise-up et ces cagnottes, de réunir de l'argent. Bien sûr, parfois, ceci est quelque chose de légitime, mais ici, on peut trouver l'outrance de ces gens-là. On peut remarquer l'outrance de ces gens-là, qui, à chaque fois qu'une personne est touchée par le moindre mot, on lui réunit de l'argent, ce qui pousse beaucoup de jeunes, comme vous l'avez entendu de la parole de Cheikh Mohamed Al-Anjari ici, à ne pas rechercher eux-mêmes leur subsistance, ce qui est la base. Ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis les imams de l'islam, et ce sur quoi étaient, que ce soit les étudiants en sciences ou tout à chacun de cette communauté, rechercher sa subsistance à l'aide de ses mains. On peut retrouver beaucoup de personnes aujourd'hui qui délaissent cela. Bien sûr, on est dans un cas particulier dans ce pays où on a été éduqué à se reposer sur des aides, au point que nous trouvons des jeunes qui aujourd'hui, lorsque on leur propose un travail, ils se permettent de refuser ce travail parce qu'il a cette aide à côté qui lui suffit. Donc il repousse cette main qu'on lui tend pour travailler, pour être élevé par ce travail et rechercher sa subsistance de ses mains, pour pouvoir être la main du dessus, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qui donne et pas celle qui reçoit. Mais malgré ça, il repousse cette main parce qu'il y a toutes ces aides que nous pouvons trouver. Donc déjà, nous avons été éduqués de cette manière-là. En plus de cela, nous voyons que à partir du moment où nous avons connu la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous trouvons toutes ces aides en plus de la part de la communauté. Et comme je l'ai dit ici, je parle bien de ces choses outrancières, de ces méthodes outrancières pour demander de l'argent. Et bien souvent, vous remarquerez que personne ne connaît cette personne à propos de qui on demande de l'argent. Si c'est une personne de ta ville qui a un besoin, qui est un étudiant, qui a, pourquoi est-ce que tu vas demander cet argent à des gens qui se trouvent même dans d'autres pays? Fais, comme nous le faisions à l'époque, une récolte, par exemple, entre les frères qui connaissent cette personne-là, un étudiant en sciences de la ville, des environs, etc., etc. Au lieu de demander de l'argent à des gens, et à chaque fois on se retrouve avec un cotise-up, je connais cette personne, mais on ne sait pas qui est ce jeu. C'est une personne qui connaît l'autre personne, qui connaît l'autre personne, qui connaît l'autre personne. Ça, c'est une chose. Et comme je l'ai dit ici, je mets le point sur le fait que ces cagnottes, ces demandes d'aide, etc., sont une chose qui pousse les jeunes à se reposer sur cette chose-là et à ne pas rechercher leur subsistance à l'aide de leurs mains, à être noble et à être quelqu'un de fort qui cherche à être cette main du dessus et non cette main du dessous qui demande l'argent. Hormis cela, nous pouvons trouver, et ceci est une réalité, comme ceci a été prouvé par rapport à certaines personnes qui s'apparentent, à la prédication. Ce que j'ai pu voir, c'est que ces gens-là ne sont pas des gens qui sont sur notre voie, mais des gens qui s'apparentent à la prédication, donc à propos de qui les gens, au moins les gens de la masse, ont une bonne pensée sur eux, et donne, parce que ces personnes-là, cette personne est imam dans une mosquée, cette personne-là a des cours sur YouTube ou Internet ou je ne sais quoi. Et lorsqu'il demande de l'argent pour un projet, pour une mosquée, pour des étudiants, pour lui-même, je ne sais pas. Eh bien les gens qui sont la communauté musulmane, qui est une communauté généreuse, les gens de cette communauté sont poussés, sont appelés par cela à donner de l'argent. Certains d'entre eux, comme ceci a été prouvé, utilisent des moyens fallacieux pour arriver à leur fin. Ils prennent parfois des captures d'écran lorsque la cagnotte est arrivée à temps et laissent la cagnotte se remplir encore derrière, puis envoient cette capture d'écran lorsque la cagnotte, par exemple, était arrivée à la moitié. Alors que la cagnotte est terminée, et ils envoient la capture d'écran de la cagnotte arrivée à la moitié, et demandent aux gens, continuez, continuez, on y est presque. Alors que la cagnotte est déjà terminée. C'est impossible. C'est arrivé. Bien sûr. Pareil parfois pour certains projets religieux. Qui te dit que ces cagnottes-là n'ont pas été lancées parfois, lorsque ceci se passe dans d'autres pays, etc., etc., que cette cagnotte n'a pas été lancée par d'autres personnes dans d'autres pays aussi. On a cette cagnotte qui est dirigée pour tel ou tel pays, pour tel et tel centre, pour tel et tel cheikh. Parfois, ils utilisent le nom de nos savants pour faire ces cagnottes. Et tu te trouves ici en France, par exemple, à donner de l'argent pour une cagnotte, pour un projet, alors que ce projet, ce même projet de la même somme, qui peut-être que la somme en soi est la somme exacte qui est requise pour mener à bien ce projet, cette même cagnotte a été lancée en Angleterre, une autre en Allemagne, une autre là-bas, une autre là-bas, une autre là-bas. Qui te dit? Tu ne connais même pas les auteurs de ces cagnottes-là. Cet argent-là que tu donnes est une chose sur laquelle tu seras interrogé. Cet argent que tu gagnes et cet argent que tu donnes, c'est une chose à propos de quoi tu seras interrogé. Naam. Parfois, il y a des photos qui sont prises aussi de manière illicite, avec des personnes malades. Ahsante. Parfois aussi, comme l'a dit votre frère, il est possible que certains prennent une photo d'une personne malade, d'une personne dans un grand besoin, dans une grande détresse, et il avance cette chose-là alors que la réalité est tout autre que cela. Faites attention, je ne vous appelle pas ici par ces paroles à douter de vos frères sans condition. Comme je l'ai dit, certaines de ces cagnottes qui peuvent être mises en place sont des choses qui sont légitimes, qui peuvent mener un projet à bien, et à partir de là, on ne dira pas que toute cagnotte est illicite. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je vous appelle à faire bien attention à cette chose-là, car c'est une chose où les gens ont été outranciers, qu'ils ont utilisé à outrance sans respecter la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala à de nombreuses reprises. Ici, je reviens sur ce sujet. Non. D'évoquer la photo en elle-même, la personne en fait. Ça, c'est encore un autre sujet, Abdelkarim. Cette personne-là, elle peut te dire que lui, il a des fatawas, des gens de science qui autorisent de prendre... Tu comprends? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, comme tu l'as évoqué, même ces photos qui peut-être n'ont rien à voir avec la cagnotte qui est mise en place. Et ceci pour adoucir le cœur du musulman qui, lui, est quelqu'un de généreux de par sa religion et des principes de sa religion qu'il connaît. Et si, bien sûr, la chose en particulier de laquelle je voulais parler, concerne donc ces récoltes d'argent à des fins, comme je l'ai dit, religieuses, en particulier pour des étudiants en sciences et des centres, comme des écoles, des centres, etc., parfois des des savants de la sunna, on dit Cheikh Intel a besoin d'argent, Allahu Akbar. Ou alors ils te disent, comme j'ai vu à deux entreprises, bien souvent, ils disent la récolte est pour un Cheikh, mais on ne dit pas son nom pour ne pas le mettre dans la gêne et parce qu'il ne sait pas, etc. etc. Non, si cette chose est effective, tu as fait un bien, tu as cherché à faire un bien, mais la voie empruntée déjà est une voie. Bien souvent, lorsqu'ils l'empruntent de cette manière-là, et comme ils le font, comme ceci est connu, n'est pas une bonne voie. Et en plus de cela, qui me dit, qui es-tu toi? Qui me dit que cette personne est réellement un chir des chouyours de la sunna? Qui me dit que cet argent-là même est récolté pour lui? Tu es une personne que je connais peut-être, mais cet argent-là, tu vas l'envoyer à une personne que je ne connais pas. Peut-être qu'il va se mettre l'argent dans les poches, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. On ne parle pas de cela pour vous faire douter de vos frères, mais plutôt on parle d'une réalité, quelque chose qui a été prouvé, qui est arrivé effectivement. Et nous voyons que Cheikh Mohamed Bazmoul a dit, il me dit, Cheikh Mohamed Al-Anjali, il ne convient pas que nous laissions les jeunes dans l'étude de la science religieuse, donc les étudiants en sciences, sans pour autant connaître un métier duquel ils tireront leur subsistance. Et qu'ils deviennent par la suite sujets à l'aumône et à la bienfaisance des gens au nom de leur statut d'étudiant en sciences. Qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Al-Albani, rahimahullah, qui travaillait dans la réparation de montres, et lorsqu'il terminait son travail, ça donnait à la science du hadith. Est-ce que c'est une chose, ce travail qu'il faisait, c'est une chose qui l'a empêché de devenir un imam de notre époque? Non. Ceux qui prétendent dire il faut donner pour que cette personne se consacre uniquement à la science, et wallahi, pour avoir été parmi les étudiants en science, wallillahi alhamd, beaucoup de personnes qui peuvent être ces personnes qui reçoivent cet argent qui est récolté pour eux, soit ne sont pas des gens qui sont motivés et assidus dans l'étude de la science, soit ne sont pas des gens qui utilisent ces fonds-là à bon escient, comme ils devraient l'utiliser. Et pour avoir connu la dureté de la vie de l'étudiant en sciences, le fait de ne pas manger de la viande tous les jours, loin de là, ceci est la méthode qui était, ou ceci était la voie qui était empruntée par nos pieux prédécesseurs lorsqu'ils étudiaient la science. Ça ne veut pas dire que le fait d'avoir de l'argent est quelque chose de blâmable, mais simplement, un étudiant en sciences, lorsqu'il emprunte cette voie, il sait que cette voie ne sera pas parsemée de roses et de coussins. Et l'étudiant en sciences, comme il est rapporté de nos pieux prédécesseurs, bien souvent, est quelqu'un qui est sujet à la faillite. Comme il le disait Shu'ba ibn al-Hajjaj, Abu Bistam, rahimahullah ta'ala, ce grand imam, il disait « Man talab al-hadith, aflas ». Celui qui recherche la science du hadith est en faillite. Il dépensera son argent dans les livres, peut-être dans les moyens de transport pour se rendre aux assises de science, il n'aura pas d'argent à investir dans telle et telle et telle et telle chose. Ça ne veut pas dire que celui qui a de l'argent parmi les étudiants en sciences, ceci est quelque chose de blâmable. Non, mais il faut se rendre compte d'une réalité. Ici, Cheikh Mohamed Bazmoul a dit, en commentaire, Abu Hanifa, l'imam, qu'Allah lui fasse miséricorde, travaillait dans la vente de tissus. Ahmed ibn Hanbal, de qui nous avons étudié son livre ici, travaillait comme porteur dans une caravane. Et comme cela, les gens de science recherchaient leur subsistance en même temps que la recherche du savoir et l'enseignement dans lequel ils se sont engagés. Le travail construit la personnalité, relie le musulman à son Seigneur, l'aide dans sa vie quotidienne, et ceci est meilleur pour lui que de rester assis à attendre la bonté des bienfaisants. Et quelle bonne chose que l'homme, lorsque la religion et la vie d'ici-bas lui sont réunies, et quelle vilaine chose pour lui que la mécréance et la faillite. Nous voyons que certains parmi les imams de cette communauté ont même écrit des livres traitant de cela, comme l'imam Abu Bakr al-Khalal, qui est mort en quelle année? Abu Bakr al-Khalal, qui faisait partie des élèves, des compagnons de l'imam Ahmed. Donc des élèves de l'imam Ahmed, et on l'appelle celui qui a réuni la science de l'imam Ahmed. Abu Bakr al-Khalal, ce grand savant, il est mort en 311 après l'Hégire. il a un livre, il a écrit un livre qu'il a appelé Al-Hathu al-Tijarati wa Sina'a wa al-Amal. C'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire dans le sens approximatif. L'appel ou le fait d'enjoindre à travailler, à faire du commerce et à avoir un métier dans lequel il réunit beaucoup de ses paroles, en commençant par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent, qui nous enjoignent à rechercher un travail et qui nous montrent que le labeur d'une personne, l'argent qu'il récolte à la sueur de son front et par ses mains, est quelque chose qui est béni, est un argent qui est béni. Et comme je l'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens, la main du dessus, donc celle qui donne, est meilleure que celle du dessous, celle qui reçoit. Et nous voyons dans d'autres hadiths l'interdiction de mendier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit la mendicité. Et parfois, malheureusement, lorsqu'une personne se retrouve à avoir grandi comme cela, comme nous, nous avons grandi, c'est-à-dire avec toutes ces aides qui poussent un jeune à ne même pas chercher du travail parce qu'il sait qu'il a sa rémunération derrière. Comment tu vas éduquer tes enfants et ta famille? Comment ta femme même peut te respecter lorsque la personne qui dépense pour toi et pour elle et pour tes enfants au sein du foyer, toi qui es étudiant en sciences ou non, est soit un gouvernement, je parle d'un gouvernement, vous avez compris ici par exemple les aides qu'une personne peut recevoir de la France, soit des personnes parmi les personnes bienveillantes, soit tes parents ou autres. C'est-à-dire que si ça arrive ceci à un moment en dehors d'un autre, pendant une période en dehors d'une autre, mais si c'est une chose qui est récurrente, c'est-à-dire que tu as élevé tes enfants sur cela, tu as nourri ta femme par cet argent-là, elle ne t'a jamais vu travailler mais simplement tendre la main pour récupérer l'argent, comment elle va te respecter? Comment tes enfants vont te respecter? Comment tu vas éduquer tes enfants? Et je termine cette parole par une parole que j'avais traduite aussi de notre cheikh Khalid Abdurrahman Abu Muhammad Hafidahullah Ta'ala, où il dit, écoutez bien, je dis toujours à mes jeunes frères étudiants en sciences, ne faites pas de votre science un moyen d'obtenir le bas monde des gens. Ceci est la chose à retenir ici. Ne faites pas de votre science un moyen pour obtenir le bas monde des gens, pour obtenir l'argent des gens. Je suis un étudiant en sciences, donnez-moi de l'argent. Les gens réunissent de l'argent à ton nom parce que tu es un étudiant en sciences. Je ne leur ai rien demandé, mais ils ont fait cette quête pour moi, etc. Wallahi, que je n'ai jamais accepté que quelqu'un réunisse de l'argent pour moi, même à des moments qui étaient difficiles dans ma vie. Et ça, les frères, ils le savent tous, les frères qui assistent ici et autres. Parce que ceci est un rabaissement. Du moment que tu peux te servir de ces deux-là, sers-toi-en. Comme je n'ai jamais pris d'argent pour la prédication, ni dans cette mosquée, ni dans une autre. Et ceci est une manière dont la personne ou par laquelle Allah Azza wa Jal élève une personne. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rabaissé à demander de l'argent. Si de l'argent te vient une aide, par exemple, car tu es un étudiant en sciences et autres, ceci n'est pas le même jugement que ce que je viens d'évoquer. Je me rappelle à l'époque où j'étudiais, donc je continue à étudier, mais à l'époque où j'étais auprès des savants chez qui j'ai étudié, notre shir, l'allama, notre père, Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahimahullah ta'ala, m'appelait parfois dans le cours et me disait, avant le début du cours, il me disait, Absamad, viens ici. Je venais, il me sortait un billet de sa poche et il me disait, Mouhtesh Flous, t'as besoin d'argent? Et je lui disais, non, demande à quelqu'un qui a plus besoin que moi. Jusqu'à un jour où notre cher Cheikh Khalid Uthman, Hafidahullah, a vu cette chose-là et m'a dit, Abdus Samad, tu es plus en droit peut-être que d'autres de prendre cet argent. Si tu ne prends pas cet argent, lui, il connaissait ma situation, comme Cheikh Hassan, rahimahullah, connaissait ma situation, et il disait, tu es peut-être plus en droit que d'autres de prendre cet argent. Si tu ne prends pas cet argent, Cheikh va la donner à une autre personne Et peut-être que cette personne-là aura moins de droits que toi, d'après la bonne pensée qu'il avait sur moi, de prendre cet argent. Et à partir de là, parfois, j'acceptais l'argent qu'il me donnait lorsqu'il me le donnait sans me le demander. Est-ce que tu as besoin? Je lui disais, j'ai pas besoin. Donne à quelqu'un d'autre. Quand il le donnait, prends, je l'acceptais. Ceci après que notre cheikh Cheikh Khalid est intervenu à ce moment-là, après de longues années où j'ai refusé son argent à Cheikh. Al-Muhim, je ne dis pas cela pour me valoriser, simplement, bien sûr, si j'ai pratiqué cette chose-là, c'est parce que cette chose-là, je trouvais que c'était la bonne manière de me comporter et la manière qui était empreinte de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et des pieux prédécesseurs après lui. Et ceci, comme m'a rappelé un frère il y a quelque temps, Jazakallahu khayra, il m'a dit, il est important, lorsque je lui parlais de mon travail, que je fais à côté donc, de ce que j'ai pu faire, donc cette part que j'ai pu prendre, cette modeste part que j'ai pu prendre dans la prédication pendant ces années où j'ai été en France. Lorsque je lui parlais de mon travail, il me disait, c'est important, et il avait raison, c'est important que tu évoques cela aux jeunes, c'est-à-dire qu'ils voient que le frère, même s'il prend du temps à enseigner, à faire la khutbah du Jumu'ah, etc., etc., il est important qu'il sache aussi qu'il a un travail derrière et qu'il n'attend pas que les gens lui mettent de l'argent dans ses mains. Et c'est uniquement pour cela que j'ai évoqué ces paroles-là concernant ma propre personne. Sinon, vous avez entendu ce qui est bien meilleur comme exemple que ma propre personne ici dans ce que j'ai évoqué. Donc je termine par la parole de Cheikh Khalid Abdrahman ici, où il dit Hafidahullah ta'ala, je dis toujours à mes frères jeunes, à mes jeunes frères étudiants en sciences, ne faites pas de votre science un moyen d'obtenir le bas monde, un moyen d'obtenir le bas monde des gens. Certaines personnes disent, moi je n'ai rien demandé, mais ils m'ont donné. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au final, tu es quelqu'un qui est associé à eux dans cette chose-là. Si ça arrive une fois ou deux qu'une personne te donne de l'argent sans qu'il te demande est-ce que tu veux, est-ce que, etc., elle te donne de l'argent parce que tu es un étudiant, sauf si tu as réellement besoin et le droit de prendre cet argent, ceci est une chose. Mais lorsque des cagnottes sont faites pour toi, un étudiant en sciences, on ne rappelle pas ton nom, mais toi tu le sais que cette cagnotte a été faite pour toi. Ceci, au final, est quelque chose d'avilissant. Si ceci arrive une fois, parce que des frères que tu connais ont connu ta situation, l'ont fait pour toi, ont voulu t'aider, etc., etc., mais quand c'est quelque chose qui devient récurrent et pousse les jeunes étudiants en sciences, entre guillemets, comme je l'ai dit, étudiants en sciences, à se reposer sur cela, ceci n'est pas une bonne chose. Il dit donc, ne faites pas de votre science un moyen d'obtenir le bas monde des gens, sous peine d'être humilié. Celui qui fait de sa science un moyen pour obtenir le bas monde des gens, celui-là sera humilié. Car il a du dédain pour la science. Il a du dédain, il rabaisse par ce moyen-là la science qu'il avait avec lui et qu'il étudie et qu'il recherche. Car il fait que cette science, même si au début ce n'était pas sa niya, même si au début ce n'était pas son intention, avec le temps, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai évoqué dans une khutbah il y a quelques semaines, a dit à toute communauté son épreuve, et l'épreuve de ma communauté est al-mal, l'argent, les biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien appelé une sorte de personne abd ad-dinar wa abd ad-dirham, l'esclave, l'adorateur de l'argent et de l'or. Celui-là qui, comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si tu lui donnes, il agrée. Si tu ne lui donnes pas, il est mécontent. Il dit donc, c'est pour cela que tu trouves beaucoup de jeunes. La première chose, écoutez bien ça, cette parole de Cheikh Khalid, je me rappelle, c'était pendant un cours sur la science de l'héritage. Le livre de la science de l'héritage, de l'Mawarith, du Sahih de l'imam al-Bukhari. C'était peut-être il y a 4 ou 5 ans. J'avais coupé donc cette parole, l'avais propagée et je l'avais traduite aussi de par son importance. Il dit, c'est pour cela que tu trouves beaucoup de jeunes. La première chose par laquelle ils commencent dans l'étude de la science est de se lancer directement dans la recherche de dons. Projet, don, centre, donnez-moi des pensées pour moi, j'ai des élèves. Peut-être que ça vous rappelle plusieurs personnes. La première chose qu'il fait lorsqu'il commence, ce qu'il veut dire, Cheikh, ici, Il ne parle pas d'une personne qui vient juste de rentrer dans l'étude de la science, il parle d'une personne qui a passé quelques années. La première fois que tu entends parler de cette personne comme étudiant en sciences, c'est pourquoi ? Don, projet, j'ai des élèves, j'ai un centre dans tel et tel pays, dans telle et telle mosquée, j'ai un centre, j'ai des élèves, dépensez pour nous, envoyez-nous de l'argent, cagnotte, cotise up. C'est bien de ça qu'il parle. Il dit, qu'est-ce que cela ? Qu'est-ce que cela ? Montrez-nous que les prédécesseurs ont fait cela. Nous sommes salafis. Il faut que cette appartenance à ce manhaj se voit sur notre méthodologie, sur notre manière de pratiquer. Il dit donc, cher, montrez-nous que les prédécesseurs à salaf ont fait cela. Informez-nous sur Ahmad ibn Hanbal. On répond à cher, cher, Mohamed Bazmoul nous informe sur Ahmad ibn Hanbal. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il était porteur pour des caravaniers. Informez-nous donc sur Ahmad. Informez-nous sur Ishaq ibn Rahawai, sur l'imam al-Bukhari, sur l'imam muslim, sur l'imam Malik, Saïd ibn al-Musayyib et les plus grands des imams. Qui a fait cela ? Cela est en vérité une maladie par laquelle beaucoup de gens ont été éprouvés. Il n'en est pas un qui se voit guidé vers l'étude de la science sans qu'il n'aborde les sujets d'argent. Malheureusement, donc il parle de ceux qui s'apparentent à l'étude de la science de nos jours. Il n'en est pas un qui se voit guidé vers l'étude de la science sans qu'il n'aborde les sujets d'argent. Certaines fois des dons pour des livres. Cotise up, cagnotte, des dons pour des livres pour tel endroit. Supervisé par le frère, étudiant dans tel endroit, telle personne, etc. Dons pour des livres, d'autres pour un centre. Des dons pour des élèves auprès de lui. On ne t'a pas ordonné de faire cela. Cheikh Khalid Abdelrahman te dit, on ne t'a pas ordonné de faire cela. On ne t'a pas ordonné de rassembler les étudiants, de dépenser pour eux, de supporter les frais, etc., etc. Vous avez compris, ça c'est encore un autre niveau à partir du moment où la personne a une prédication ou a des élèves. Il dit, j'ai des élèves, dépenser pour eux, il faut payer l'endroit où est-ce qu'ils vont habiter, il faut payer leur nourriture, envoyer l'argent. Quelque chose qui est devenu lourd pour beaucoup d'entre nous. Tous les 4 matins, tu reçois un message, étudiant, besoin d'argent. Et où sont ces étudiants ? 10 ans après, tu retrouves que des personnes qui sont réellement des étudiants en sciences, qui ont réellement appris, qui ont réellement un niveau, on les compte sur les doigts de la main. Comme ceci est rapporté de l'imam Ahmed. Rahimahullah, lorsqu'il disait dans le sens de ses paroles, quand nous avions commencé la science, nous étions auprès de un tel, 5000 personnes. Des années ont passé et nous nous retrouvions plus que 5 à ces assises-là. Ceci est la réalité de l'étude de la science. Peu de personnes se verront accorder ce succès. Mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas emprunter le chemin vers la science, car le chemin emprunté vers la science est un chemin qu'Allah Azza wa Jalla te facilite vers le paradis, comme il est venu. Et regardez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim, dans son sahih, n'a pas conditionné de faciliter un chemin vers le paradis à une personne par l'acquisition de la science, mais plutôt par le fait d'avoir simplement emprunté ce chemin vers la science. « Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. » Celui qui emprunte un chemin par lequel ou dans lequel il demande la science, Allah lui facilite bihi, par ce chemin, ce chemin qu'il a emprunté, pas par cette science qu'il a acquise, ce chemin qu'il a emprunté, comme ce chemin que nous empruntons tous aujourd'hui lorsque nous asseyons dans ces assises de science. Mais la réalité est que celui qui se verra accorder le succès, qui aura une prédication, qui sera réellement un étudiant, qui deviendra un savant, ils étaient au nombre de 5000 au début et ils se sont retrouvés au nombre de 5 des années après. Donc toutes ces personnes pour qui des cotise-up, etc., etc., ont été faits, où sont-ils ? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les aider. Les frères qui étudient réellement la science, wallah, ils ont besoin d'aide pour qu'ils continuent à étudier la science. Mais pas de n'importe quelle manière. Et il termine donc, il dit, on ne t'a pas ordonné de faire cela, on ne t'a pas ordonné de rassembler les étudiants, de dépenser pour eux, de supporter les frais, etc. C'est une chose que l'on n'a pas connue des pieux prédécesseurs. C'est pourquoi, durant ma vie, jusqu'à mon âge-ci, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui ont fait de leur science une monture pour le bas-monde, ne pas achever l'étude de la science. Il ne convient pas que la personne profite de sa science pour rechercher le bas-monde des gens, plutôt il est obligatoire d'être sur quoi étaient nos imams, l'imam Ahmed, passer des jours sans qu'il ne trouve autre chose qu'un morceau de pain rassis. Il l'humidifiait avec de l'eau, il buvait l'eau, avec et louer Allah tabaraka wa ta'ala. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sa cote de maille en gage, tout le monde connaît ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en ayant donné sa cote de maille en gage à un juif de Médine. Tout le monde connaît ce hadith. Il dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sa cote de maille en gage et qu'il priait assis à cause de la faim, tellement il avait faim, il était contraint de prier assis, tellement il avait mal au ventre à cause de la faim. Alors que s'il désirait ce bas monde, Allah lui aurait mis sous ses pieds. Cela montre qu'à chaque fois que l'étudiant en science anoblit sa science pour Allah avec dévotion, qu'il se dispense de tout autre en se suffisant d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il vit avec ce qui lui suffit, son labeur, qu'il travaille, qu'il peine pour gagner sa propre subsistance, qu'il œuvre et voyage sur terre, les prophètes avaient des métiers. Les prophètes avaient des métiers. Certains étaient menuisiers, d'autres couturiers, d'autres cultivateurs, d'autres étaient bergers. Les métiers qui te dispensent de mendier aux gens sont ta fierté et ta gloire. Ne soyez pas dépendant des gens. Ne soyez pas dépendant des gens. Même si tu ne tends pas la main et qu'on te ramène ces cagnottes, ne sois pas dépendant de ces gens-là. Ni de cela, ni d'un gouvernement, ni de... Ne soyez pas dépendant des gens. Ne faites pas de votre science un moyen d'être paresseux. Ne faites pas en sorte que votre science vous amène à tendre vos mains aux gens. Ne faites pas en sorte que votre science vous mène à créer des moyens qui vous rapportent la subsistance par elle. Quiconque agit ainsi, il n'y aura pas de bénédiction dans sa science et il n'achèvera pas le chemin, selon ce qu'Allah Azza wa Jal agrée. Cependant, ce qui te parvient parmi les subsistances d'Allah, sans demande ni convoitise, ce qui te parvient, même un don, sans demande ni convoitise, alors prends-le, il s'y trouvera une bénédiction. Voici ce que nous tirons comme enseignement de la mise en gage du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa cote de maille auprès d'un juif, au lieu des riches compagnons comme Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah les agrée tous. S'il avait voulu, il n'aurait pas besoin de mettre cette cote de maille en gage. Uthman ibn Affan faisait partie des riches parmi ses compagnons les plus proches. Abdurrahman ibn Auf, pareil. Et s'il était parti les voir pour mettre en gage cette cote de maille auprès d'eux, est-ce qu'ils auraient accepté cela? Ils auraient donné et rendu la cote de maille sans aucun doute. Est-ce qu'il a fait cela? Sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah un meilleur exemple. Je termine donc par cela et en disant aussi que ceci était la voix de nos savants et nos éducateurs parmi les savants de la communauté, le fait qu'ils éduquaient leurs élèves à cela. Je me rappelle, je termine juste sur cela avant de terminer l'assise d'aujourd'hui, une poésie qui a été écrite par des Espagnols à la base et qui a été traduite en arabe puis modifiée pour que ceci convienne au milieu dans lequel ils vivaient par Cheikh Mohammed Taqiyuddin Al-Hilali Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala, ce grand savant. Cette poésie était une poésie donc que lui, il enseignait à ses élèves. Et c'est une poésie que nous enseignons aussi à nos élèves et à nos enfants lorsque j'enseignais dans l'école de notre shir, Cheikh Khalid Uthman, Abdallah. Dans cette poésie, il dit, si je me rappelle certains passages, même si il dit « قَدْ جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ فِي سَالِفِ الْأَعْصَارِ أَنَّ فَتَنْ يُسَمَّ يُوَيْسِفَ بْنَ نُعْمَ كَانَ يَرَى أن الكسل أحلى له من العسل. Il y avait dans les anciens temps une personne qu'on appelait Yuaysif, fils de Nu'ma ou de Nu'man. Il voyait que la feignantise était plus doux pour lui que le miel. Il était quelqu'un de feignant, ce Yuaysif. لما غدا في العمر ابن سنين عشري. J'ai oublié peut-être certaines de ses paroles, mais il dit lorsqu'il est devenu un enfant de 10 ans, lorsqu'il a grandi, il a eu 10 ans, son père l'a appelé pour l'orienter et le conseiller. Il dit donc Youssouf, donc mon fils, mon petit enfant. Le mot après, il dit, excusez-moi, les trous de mémoire aujourd'hui. Hein. Choisis-toi un travail. Fartar laka amala, ba'da an tawakkala, haqqan ala rabbil ula. Il lui dit, ouais, voilà, excusez-moi. Il lui dit donc, Yuwaysif abunayya, waykastami ilayya. Oh Youssouf, mon petit-fils, ou mon fils, fais attention et écoute-moi. la aisha douna akli, la akla douna shughli. Sunnatu rabbil alami, qad sannaha lil adami, ou li adami. Il dit, il n'y a pas de pain, ou il n'y a pas de vie, pardon, sans manger, sans nourriture. Il n'y a pas de nourriture sans travail. Ceci est la sunna d'Allah Azzawajal qu'il a décrété pour Adam alayhi salam. Puis il dit, choisis-toi un travail. Fakhtar laka amala ba'da an tawakkala haqqan 'ala rabbil 'ula. Choisis-toi un travail après t'être remis, t'en être remis à Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il dit donc dans cette poésie, fasta'rad as-sana'i'a wa 'addada al-manafi'a. Il dit, il a rappelé donc son père tous les métiers et il a rappelé les bonnes choses qu'il y a dans ces métiers. Il dit wa qala fi an-nijara ribhun bila khasara ila akhir ma qala. Il dit donc dans le métier d'ébéniste, il y a d'ébéniste, ou comment on dit celui qui travaille le bois, menuisier ébéniste, il y a de l'argent, tu gagnes de l'argent et tu n'en perds pas. Puis il dit dans le suite de la poésie, il dit c'était le métier de Nuh, le prophète alayhi salatu wassalam, etc., etc., dans ce qui est venu donc dans la poésie. Et Youssouf ou Youssif de dire, il y a dans ce métier telle et telle chose, lui qui aimait plus la fainéantise que le miel. Il le trouvait, la fainéantise, plus douce que le miel. Il dit, dans la menuiserie, il y a telle et telle chose. Puis son père lui parle de la chaudronnerie ou de tel et tel travail. Et il dit, oui, mais dans ce travail, il y a telle et telle chose. Dans ce travail, il y a telle et telle chose, telle et telle chose, telle et telle chose. C'est-à-dire que la fainéantise était quelque chose qui était réellement pour lui, quelque chose de plus doux que le miel. Et donc, nous enseignons cette poésie à nos enfants et à nos élèves, comme l'enseignait Cheikh Mohamed Taqiddin Al-Hilali à ses élèves, comme d'autres parmi les savants enseignaient ce genre de poésie, afin de donner l'importance à cette chose, c'est-à-dire le travail, ne pas se contenter d'attendre ce que les gens te donnent, même si tu étudies la science religieuse, ce n'est pas un moyen que tu auras de demander de prendre de l'argent sans droit. Faites attention à cela, barakallahu fikoum. Je termine le cours d'aujourd'hui simplement par cette parole. Comme vous le savez, ces assises ouvertes étaient des assises qui tendaient à nous renforcer les uns les autres, en particulier dans notre manhaj, dans notre méthodologie, la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, il dit « Ya'ti ala nasi zaman al qabidhu » على دينه كالقابض على الجمر. Dans le sens de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, il viendra aux gens un temps où celui qui sera cramponné à sa religion sera comme celui qui s'accrochera à une braise, qui tiendra dans la main une braise. Ceci nous montre que s'accrocher à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala à certains moments, dans certains endroits, en particulier à ces moments où les épreuves et les difficultés se multiplient autour de nous, est quelque chose de difficile. Quelque chose de difficile. Ce chemin n'est pas un chemin parsemé de fleurs et de coussins, comme nous l'avons vu dans les assises précédentes. Plutôt, c'est un chemin où tu te sentiras étrange, un étranger, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam a commencé étrange et il redeviendra étrange comme il a commencé. Faites la bonne annonce aux étrangers. Comme nous l'avons vu dans certaines versions de ce hadith, l'étranger, c'est parfois une personne au milieu de sa tribu, une personne au milieu de sa famille. Et dans certaines versions, l'étranger est celui qui réforme les gens lorsque ces gens ont besoin de cette réforme. Et autre que cela parmi les narrations qui ont été évoquées. Celui donc qui suivra la sunna de la meilleure des manières, qui appellera à la sunna, qui ordonnera le convenable et réprouvera le blâmable, cette personne-là sera une personne qui sera un réformateur et qui sera par cela éprouvée et à qui on nuira. Et ceci est une chose qu'il faut se remémorer et s'enjoindre mutuellement à la patience et à la vérité. comme ceci était la voix des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne se séparaient pas lorsqu'ils se rencontraient, avant d'avoir récité, ou qu'un l'un d'entre eux ait récité, Surat al-Asr. La Surat al-Asr, le temps, où il dit, tabaraka wa ta'ala, dans cette surah, méditez-la bien, il y a de nombreux enseignements, il dit, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. En particulier dans ces moments difficiles, ces moments d'épreuve, ces moments où la sunna et celui qui pratique la sunna et qui avance sur la sunna est quelqu'un d'étrange, quelqu'un qui est pointé du doigt, quelqu'un qui est peut-être dénigré par des gens qui sont parfois parmi les gens les plus proches de lui, de sa famille, de son entourage et autres. Mais à partir du moment où tu sais que tu as emprunté la voie de vérité, que tu es sur la vérité, tu devras patienter. Écoutez cette parole que dit Luqman à son fils. Il dit, ô mon enfant, dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, ô mon enfant, accomplis la salah, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Endure. Endure après avoir ordonné le convenable, interdit le blâmable, endure. Comme cela, à cette période, comme à d'autres périodes, où la sunna est devenue quelque chose d'étrange, la religion d'Allah Azzawajal est étrange, de même que les gens de la sunna sont devenus étranges au milieu des gens de l'islam, tu devras patienter. Et nous devrons nous enjoindre plus encore à patienter et à endurer. Dans certaines versions de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se cramponne ce jour-là à sa religion, et dans certaines versions, celui qui se cramponne à ma sunna. Il dit, dans certaines versions du hadith, celui qui se cramponne à ma sunna sera comme celui qui aura pris, qui se sera cramponné ou se sera accroché à une braise. Faites attention, il dit ici dans cette version à ma sunna, et il dit qu'al qabidi al jamr, celui qui aura pris dans sa main, dans le creux de sa main, une braise. Si tu prends la braise dans ta main, on dit que tu attrapes la braise ou que tu tiens une braise dans ta main, tu verras que en superficie ta main sera brûlée. Mais si tu prends la braise et tu fermes ton poing, comme il est venu dans ce hadith, sur la braise, l'ensemble de ta main sera brûlé plus encore et plus encore que si tu avais simplement pris la braise ou tenu la braise dans ta main. Regardez les mots qu'a utilisé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Qu'al-qabidi al-jamr, al-qabd, l'a pris dans le creux de sa main. Il l'a accroché cette braise. Car ceci est difficile à certains moments et dans certains endroits, de se cramponner à sa sunna, de se cramponner à la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La religion d'Allah, de la manière qu'avait de la pratiquer notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui les ont, et ses compagnons et ceux qui les ont suivis, dans le bien. Et dans certaines versions de ce hadith, et je terminerai sur cela, que cette version aussi a un lien avec la première partie du cours d'aujourd'hui. Dans certaines versions du hadith, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, il y aura des épreuves comme une nuit sombre, ténébreuse. Un homme se réveillera croyant et s'endormira ou se retrouvera au soir en étant non croyant. Puis il dit, dans certaines versions de ce hadith, donc il dit, il vend sa religion pour des biens de ce bas monde. À ce moment-là, celui qui s'accrochera et se cramponnera à ma sunna sera comme celui qui se sera accroché, cramponné à une braise. Une personne qui vend sa religion pour des biens de ce bas monde. À ce moment-là. Et ici se termine, ayyuhal ikhwa, cette série d'assises qui avait pour but de se renforcer et de s'enjoindre mutuellement les uns les autres à ce manhaj, qui est la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, as-salafiyya, qui est l'islam authentique, l'islam comme il était pratiqué par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons radiallahu anhum et ceux qui les ont suivis dans le bien ridwanallahi alayhim ajma'in. Et ce cours donc marque la fin des cours pour un long moment, comme je l'ai dit, dans la mosquée Ar-Rahma de la ville d'Evry, le quartier du chantier du Coq, cette mosquée dans laquelle nous avons étudié beaucoup de livres, Walillah Alhamd, ensemble. Je vous appelle à réviser, comme l'a dit ici Cheikh Rabi'a, comme on l'a écouté, Hafidhahullah, de sa parole, dans la conclusion de ce livre, ou sur le sunnah. Apprenez ce livre-là, mémorisez-le, apprenez-le. Révisez les cours que nous avons faits, révisez-les constamment, car la science s'oublie. La science s'oublie. Et, Inch'Allah Ta'ala, je ferai la khutbah de Jumu'ah, la prochaine khutbah de Jumu'ah. Ceux qui peuvent être présents, je leur dirai au revoir à ce moment-là. Et sinon, aujourd'hui, pour ceux qui ne peuvent pas être ici, Barakallahu Fikoum, en tout cas pour votre attention et pour votre assiduité à la venue au cours, votre apprentissage de la science religieuse. Continuez comme cela, Barakallahu Fikoum, mais enjoignez-vous sans cesse à suivre ce manhaj, suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier où nous nous trouvons et à l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.